You're listening to Cartel Records. Cartel Records. Tu connais l'adresse. Tu connais l'adresse. Tu connais l'adresse. Tu connais l'adresse. Cartel, tu connais l'adresse. Cartel, tu connais l'adresse. Tu connais l'adresse. Ma banlieue est belle et bonne, habile au ballon. Elle aime les barbecues, les pélos, B quand y'a drap. Elle aime les sapes, le genre de cavu, les fécales, les jackpots, KPT, futas, wesh race. Elle aime pas la hesse, rebelote, rébellion. Les petits veulent aller voler. Au feu rouge, tout est vert. Ma banlieue veut se refaire. Ma banlieue aime ses rayes et ses règles. Être la fée à l'envers, wesh ma frère. Marche ou crève, elle t'arrache le bras si tu le tends, bizarrement, alarmant. De plus en plus tôt, les marmots contre leurs liasses. Chaud de la casse, plus d'innocence. Cœur bras, le cœur bas pour la mif. Les femmes à la maf, dans le zar. Anti-sèche, anti-hesse, c'est la merde. Partout c'est la même, c'est le fan lamelle. Tu parles, on te la met, c'est la règle. Carte grise rayée, on te met à l'arrêt. Ma banlieue est débrouillard, elle aime pas les chromes, elle est cramée. Elle aime quand ça craint et quand ça crie. Sport et rap, consécration, concentré. Ma banlieue bédave grave, elle aime pas le principal, trop de principes. Peu de choses l'impressionnent, trop de pression. Ma banlieue est pressée, brassée. Elle brise les lois, les glaces, les tabous et tabac. Trop de B pour un regard mal, elle tabac. Je mets mes lunettes noires à la leur. Règlement de compte dans l'illégal, ma banlieue est divisée. Qui tient les rênes, on se demande Ray qui sont les rois. Avec ou sans couronne, elle porte bien ses coronesses. On la reconnaît dans sa démarche et sa noblesse. Elle démarre au quart de tour, Ray, toujours aussi déter. Ma banlieue en veut toujours plus, arrogante elle est. Les risques on les connaît, Ray, comme nos adresses. Comment ça ils disent tous Ray, c'est nous les Ray Ray. Tu connais l'adresse. T'es chez Montfermeil, Villeneuve Saint-Georges Créteil. Tu connais l'adresse. Champigny, Genevière, CHS, Ray. Tu connais l'adresse. Olnesso, Emmaüs, Zo. Tu connais l'adresse. Pour toutes les banlieues, toutes les provinces. Tu connais l'adresse. Studio 11, Ivry sur scène. Tu connais l'adresse. On fait les pailles, on fait les jazz et les fonds, on les pèse, Ray. Tu connais l'adresse. 9394, c'est là où je crèche, là où je traîne, Ray. Tu connais l'adresse. Tu connais l'adresse. Tu connais l'adresse. Tu connais l'adresse. You're listening to Cartel Records. Tu connais l'adresse. Tu connais l'adresse.